Chapitre 3e, le phoque. On les fit monter au troisième, et là, un huissier, après leur avoir demandé leur nom, les fit entrer dans un salon d'attente. Peu après, il revenait les chercher pour les conduire dans le cabinet du secrétaire général. Celui-ci les reçut fort gracieusement. Mais quand il lui eut expliqué le motif de leur visite, il se demanda s'il n'avait pas affaire à deux fous. Mais quand Louis-Antoine lui eut montré les deux copies qu'il avait fait faire, il fut aussi étonné que. Cependant, il ne voulut pas le paraître et il trouva tout de suite une explication. « C'est quelqu'un qui vous aura volé ou simplement qui aura trouvé quelques papiers à votre nom et qui s'est fait passer pour vous. Il n'y aura qu'à remonter jusqu'à ce quelqu'un. »« Mais comment ?» interrogea M. Desmarres. « C'est notre affaire. Attendez. » Il écrivit quelques mots, ferma l'enveloppe, mit l'adresse et présenta la lettre à M. Desmarres en lui disant « Voilà, allez à la Sûreté, 36 quai des Orfèvres, demandez à parler au chef en personne. » S'il n'est pas là, attendez-le et il saura ce qu'il a à faire. M. Desmarres et Allègre remercièrent et se retirèrent. Ils avaient de la chance. Ils trouvèrent le chef de la sûreté à son bureau. Il les reçut immédiatement. Ils lui expliquèrent leur cas. Il sourit et, se levant, il alla appuyer sur un bouton électrique. Un garçon de bureau parut. « Allez me chercher le phoque !» ordonna le chef. Au service de la sûreté, on se donne facilement des surnoms. Il y avait à cette époque Antôme, qu'on appelait plus volontiers Chocolat, parce qu'il portait souvent des vêtements bruns, puis Gustave, la baleine, le marquis et enfin le phoque que venait de demander le chef. Pierre Mongin avait été gratifié du nom de phoque, parce qu'il était gros et court, soufflant toujours comme s'il n'eût pu faire un pas, ce qui n'empêchait pas, quand il était en service, de trotter aussi lestement qu'un autre. Il avait une excellente vue, mais portait de larges besicles et se donnait pour très myope. Enfin, il affectait d'être dur d'oreille, ce qui lui permettait d'entendre les réflexions et les propos qu'un suspect pouvait tenir, se fiant à sa prétendue infirmité. Il arriva dans le bureau du chef, soufflant comme à son habitude. « Monsieur Mongin, lui dit le chef de la sûreté, voici deux personnes qui ont un vif intérêt à savoir comment a été dressé un acte de l'état civil. Ils vont vous expliquer leur affaire. Vous ferez en sorte de débrouiller cela. » « On fera pour le mieux, chef. » répondit le bonhomme d'une voix nasillarde. « Bon, conduisez ces messieurs dans la pièce voisine et écoutez-les. Bien, chef. » On passa dans une pièce contiguë au bureau du chef de la sûreté, et le phoque, s'asseyant, invita les deux messieurs à parler. Ce fut Allègre qui prit la parole. Il s'exprima longuement avec tous les détails. Le vieil inspecteur l'écoutait attentivement, se faisant de sa main appliquée derrière l'oreille une sorte d'appareil d'audition. Quand Allègre eut terminé, il sourit, huma une prise de tabac et répéta la même formule. « On fera pour le mieux. » Mais il ajouta « Revenez dans une huitaine. S'il y a du nouveau, je vous le dirai. » M. Desmarres et son futur gendre se retirèrent, très déçus. Ils s'étaient fait une toute autre idée de ces policiers qui, dans les romans qu'ils avaient lus, accomplissaient tant de choses merveilleuses. À leur avis, l'homme qu'on leur avait donné pour suivre leur affaire était un vieux infirme et abruti. On va voir comment ils se trompaient.